me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment comprendre le lien entre effort et créativité? Comment la cotation par le talent déstabilise-t-elle des catégories anciennes des travailleurs? Demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Qu'est-ce que le mécanisme des compétences positionnelles? Comment les sociétés doivent-elles réinventer périodiquement l'argument méritocratique? Pierre-Michel Menger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, poursuit son introduction générale aujourd'hui à la grande série pluriannuelle qu'il a initiée en 2017 sous le titre « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Alors que nous évoluons dans une économie globalisée de la connaissance où le talent, comme notion et valeur, s'inscrit au cœur de ce changement d'échelle et d'emprise, le spécialiste du monde du travail, qui a dirigé de 1988 à 1995 le groupement de recherche consacré à l'analyse comparée de la valeur artistique en sociologie et en économie, s'interroge sur la dotation initiale qu'entraîne le talent. Quelles capacités recevons-nous? Qu'est-ce qui est sous le contrôle des individus et hors de leur contrôle? Qu'est-ce qui relève des organisations? Comment expliquer les écarts qu'entraîne la notion de talent? Le sociologue remarque que le vocabulaire capacitaire entre en conflit avec le vocabulaire statique de la qualification. On change de grille. Comment se place-t-il alors en surplomb du vocabulaire de la compétence? Comment entre en jeu aujourd'hui la recherche du haut potentiel? Et comment intervient le talent managérial dans la globalisation du marché du travail qualifié et très qualifié? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 janvier 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Est-ce que le talent n'est que le comble de l'individualisation des situations d'activité, des identifications sélectives et hiérarchisantes, des gestions de carrière individuelles, des gestions de carrière, des rémunérations individuelles, le comble aussi de la naturalisation des différences considérables de réussite individuelle? En réalité, le vocabulaire de la physique sociale que j'ai placé dans le sous-titre de ce cours, Essai de physique sociale des différences et des inégalités, ce vocabulaire de la physique sociale, qui, je vous le rappelle, a précédé la dénomination de la science des faits sociaux constitués et dénommée sociologie, ce vocabulaire a été relancé récemment, précisément, sur la base d'une conception réticulaire de l'individualisation. L'individu existe par ses liens, ses réseaux. Et évidemment, a fortiori, aujourd'hui, avec les technologies dont nous disposons pour analyser les réseaux, nous avons là peut-être une relance théorique possible, en tout cas méthodologique et empirique, de l'argument de la physique sociale. C'est un argument qui a été employé dans un livre d'un chercheur du MIT, Alex Pentland. Le livre s'appelle précisément Social Physics, et dans une série de publications antérieures. Le propos général du livre, d'ailleurs, est ambitieux, mais fondé beaucoup sur la ressource que sont les big data. Et le texte introductif signale que, en utilisant ces données, nous pouvons peut-être arriver à produire une théorie computationnelle à dimension éventuellement prédictive du comportement humain. Ça, c'est l'illusion, je pense, un peu scientiste de l'exercice, et à des fins de produire, engineer, de meilleurs systèmes sociaux. Bon, vous voyez que l'ambition réformiste peut aussi se caler sur des défis méthodologiques et empiriques. Mais l'argument qui m'intéresse dans ces travaux est le suivant. En tirant parti de données massives et de méthodes d'analyse des réseaux, pour soutenir l'idée que l'intelligence est collective, l'auteur montre que la production, l'échange, la diffusion d'idées varient selon la composition des réseaux dans lesquels les individus sont insérés. Et obtenir le maximum de production, d'échange, de diffusion suppose qu'on soit en contact non point trop exclusif avec des individus qui vous ressemblent, mais précisément qu'on sache tirer parti d'une diversité optimale. Il y a dans cette diversité aussi un maximum au-delà duquel le bénéfice de la diversité se dissipe. Une partie des analyses de Pentland s'appuie sur des travaux qu'avait réalisé un scientifique de Carnegie Mellon, qui s'appelle Robert Keeley, qui a écrit un article très intéressant qui s'appelle « How to be a star engineer ». Comment être un ingénieur star ou un scientifique star, qui date de 1999. Et cet auteur étudiait la réussite exceptionnelle de certains scientifiques des Bell Laboratories. Vous savez que c'est un laboratoire mondialement connu qui a été une pépinière sans équivalent de talent et de prix Nobel, qui était attaché à AT&T. Et Keeley et Pentland observent que ces Bell Labs embauchaient des ingénieurs de très haut niveau, les meilleurs venus des universités les plus prestigieuses, une des qualifications contemporaines de ce qu'on peut appeler le talent, et que pourtant, seuls quelques-uns ont été des contributeurs remarquables, alors que la plupart devenaient des « solid performers » sans apporter de contributions décisives. Et la différence, explique Pentland et Keeley, c'est que ceux qui restent des solides performers sont plutôt solitaires et accumulent assez solitairement du savoir, alors que ceux qui font des contributions remarquables, les dits star producers, développent des réseaux de relations plus nombreux et plus divers et peuvent ainsi adopter des points de vue variés plus variés grâce aux membres de leur réseau qui occupent eux-mêmes un ensemble plus divers de rôles de travail. Ces star producers adoptent en quelque sorte le point de vue à la fois des concurrents, des managers, des consommateurs, des partenaires. Ils maintiennent par ailleurs des liens plus solides avec les membres de leur réseau. Ils savent se rendre disponibles, prendre les échanges à leur compte, aider les autres à résoudre des problèmes, en somme tout l'inverse d'un comportement auto-centré ou égocentré et égoïstement égocentré et comptable de son effort. Ceux-là, en agissant ainsi, réagissent plus vite et plus généreusement et ne perdent pas de temps ainsi à travailler à vide ou à emprunter des voies sans issue. Donc, comme toujours, c'est un mouvement vers autrui qui peut avoir un rendement et un bénéfice. Je cite ici un propos de Keeley. Le performer solide croit que le self-management signifie manager mieux les projets et son temps. Les star producers savent qu'il y a plus que du temps et du management de projets en jeu. C'est une stratégie de travail pour se créer des opportunités et un portefeuille d'expérience, de travail et de compétences. Le performeur moyen a une sorte de vision en tunnel. Il voit le monde depuis son seul point de vue et c'est celui qui l'utilise. Et les dits star producers adoptent une variété de perspectives. Ils évaluent l'importance relative d'une variété de points de vue en sachant ne pas être suiveur, mais indépendant, en exerçant un jugement critique, en sachant coopérer avec autrui, etc. Voilà une manière de retourner en partie l'argument d'une individualisation égocentrée des talents pour la compliquer, évidemment. Autrement dit, pour ajouter aussi une dimension de caractérisation à ceux qui, dans une situation de compétition et de travail à forte intensité concurrentielle, comme peut l'être le travail de recherche ou de recherche et développement, en quelque sorte, se relient à leur environnement de manière productive, non pas pour le simple plaisir, mais pour un plaisir qui peut avoir un retour sur investissement, en quelque sorte. Donc vous voyez, l'argument est toujours ambivalent, on n'est pas dans un monde d'altruisme pur et parfait où tout serait désintéressé au dernier degré. Et il y a un autre versant de désindividualisation, mais non pas de désingularisation de l'imputation de talent, qu'on explore en économie géographique à partir des travaux sur les concentrations de talent dans les grandes agglomérations urbaines. C'est par exemple l'objet d'un travail récent de Berens Duranton et Robert Nicou qui montre que dans les grandes agglomérations, la productivité individuelle des actifs, et notamment des actifs très qualifiés, est supérieure à ce qu'elle est ailleurs. Ces chercheurs, ces économistes conduisent l'analyse en s'appuyant sur trois arguments complémentaires. Les grandes villes attirent plus de talents, c'est le mot qu'ils emploient. Ils sélectionnent des entrepreneurs et des firmes plus productives et ils bénéficient de ce qu'on appelle les économies d'agglomération, c'est-à-dire des coûts de transaction réduits, une densité supérieure du marché du travail, une densité et une diversité des réseaux d'échanges interindividuels, nous sommes ramenés à ce que je disais tout à l'heure, et une densité supérieure de circulation des idées et des informations. Un point que je voudrais aussi signaler en introduction, c'est que la cotation par le talent déstabilise les catégorisations anciennes des qualités des travailleurs. Le cadre national était traditionnellement celui au sein duquel avaient été construits tous les dispositifs de formation diplômante et qualifiante. Et ce cadre national était aussi celui où avait été construite la mise en correspondance entre un type et un niveau de formation et de diplôme d'une part, et la hiérarchie des emplois et des fonctions d'autre part. Je crois que le recours au vocabulaire du talent peut être considéré comme un des principes d'affirmation de l'importance de la diversité des profils et une justification parallèle de la prédictibilité déclinante des diplômes pour occuper des postes auxquels une formation diplômée devrait nominalement conduire. Je pensais, en écrivant ceci, je voyais une annonce de l'école 42, la fameuse école 42 de Xavier Niel, qui, en tête du site, est signale son logo, c'est « Born to code », « Né pour coder ». Et après ça, je les prends et je m'en occupe et je les mets en compétition entre eux pour qu'ils apprennent plus vite, qu'ils échangent davantage et qu'au bout du compte, à partir de 3 ou 4 000 candidats, je puisse sélectionner 100 ou 200 qui peut-être n'auraient jamais eu la chance d'ailleurs d'entrer dans cette course. C'est les deux arguments. La question est celle-ci. Comment un individu doit-il guider ses anticipations face à des relations plus désaccordées entre la formation, l'emploi et les demandes du marché du travail? C'est le grand thème des compétences qui doivent être évolutives et en présence de mécanismes qu'on appelle de concurrence positionnelle qui renforcent plutôt la valeur de signal des diplômes les plus sélectifs. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de concurrence positionnelle? Il indique simplement que dans la course au diplôme et aux places, l'avantage nominal d'un niveau de diplôme se décale d'un cran vers le bas à mesure que augmente l'offre et la demande de diplôme. En tout cas, à mesure qu'augmente l'offre et la demande de diplôme, précisément dans des établissements qui ne pratiquent pas la restriction de l'offre, c'est-à-dire les établissements sélectifs, donc à mesure qu'augmente l'offre et la demande de diplôme dans les établissements non sélectifs ou faiblement sélectifs. J'avais montré l'année dernière que les seuls salaires accordés à des niveaux de diplôme qui étaient protégés d'un phénomène d'érosion, précisément dû à ces mécanismes de concurrence positionnelle, étaient les diplômes et les salaires des étudiants issus des grandes écoles françaises. On peut montrer exactement la même chose pour, et des travaux l'ont fait, pour les diplômes et les salaires des grandes universités les plus sélectives américaines. Et on peut le montrer aujourd'hui sur une cartographie des liens entre tous ces établissements au plan mondial. Alors, pour comprendre ce problème, regardons quelles sont les variables habituelles de l'analyse des différences qui créent des écarts d'employabilité et de rémunération de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on analyse ces écarts de rémunération et d'employabilité? Les notions clés qui permettent de qualifier ces différences sont connues. Ce sont essentiellement compétences et aptitudes, skills and abilities. L'argument clé est celui-ci. Les individus sont initialement détenteurs de capacités ou aptitudes qu'ils mettent très inégalement en œuvre au contact d'une éducation scolaire puis universitaire et de situations multiples d'apprentissage qui leur sont procurées initialement par leur environnement familial et social et ensuite par les multiples expériences de formation qu'ils traversent. Et ils engagent ainsi le capital humain qu'ils ont acquis dans un emploi et dans un métier sur le marché du travail. Le résultat, c'est ce qu'on appelle une gamme de compétences. Mais tout n'est pas mesurable au même degré. Et c'est ici que l'argument de la capacité est décisif. La gamme des compétences détenues par un individu est une réalisation parmi d'autres possibles des qualités dont l'individu est potentiellement doté. Une partie de ces qualités se réalise donc dans des acquis définissables et mesurables. Une autre partie n'est pas directement mesurable et constitue un ensemble de qualités inobservées ou latentes, ce que le vocabulaire managérial appelle le potentiel et ce que l'économétrie appelle le terme résiduel dans une décomposition des facteurs de gain. Je rappelle en effet que les deux principaux éléments de capital humain individuel habituellement pris en compte dans l'analyse des écarts et de la dispersion des rémunérations du travail, c'est-à-dire la formation initiale et l'expérience professionnelle accumulée, n'expliquent qu'un tiers de la dispersion, un tiers des écarts. L'un des grands thèmes de l'analyse des rémunérations du travail tient à la forte divergence entre la distribution symétrique ou normale, selon une courbe de Gauss, des compétences et la distribution asymétrique des salaires. L'analyse de la dispersion des salaires doit bien sûr être ajustée en tenant compte d'autres facteurs comme le secteur d'activité, et Dieu sait s'il joue un rôle aujourd'hui, j'y reviendrai plusieurs fois, de la taille de l'entreprise, de la structure hiérarchique des positions dans l'entreprise, de la conjoncture économique, des variations sur le marché de l'emploi, qui peuvent être des stigmates qu'on porte durant toute sa carrière si on est entré au mauvais moment sur le marché du travail. Mais le résidu inexpliqué reste très important. Alors, est-ce qu'il faut attribuer ce fameux résidu, ce qui est résiduel, à des déterminants latents de la valeur individuelle ? Le nom donné à ce résidu, ou si vous voulez, à ce coefficient d'hétérogénéité individuelle, est traditionnellement nommé, le nom est celui de ability, ou aptitude, ou encore, et il y a une interchangeabilité des notions qui est remarquable, qui intrigue, en tout cas qui m'intrigue, c'est un des noms du talent. Autrement dit, à formation donnée, à expérience donnée, à type d'emploi dans tel secteur, etc., etc., vous énumérez tout un ensemble de facteurs, il y a encore des écarts, et à quoi les attribuer entre deux individus dotés de ces caractéristiques? Quelles sont les explications de ces écarts? Alors, on peut les nommer par ce mot qui devient une boîte noire. Le but, évidemment, c'est d'ouvrir cette boîte noire. Et on s'y emploiera un peu plus tard dans le cours. En tout cas, ceci veut dire que le vocabulaire capacitaire du talent entre en conflit avec le vocabulaire statique de la qualification et qu'il se place en surplomb du vocabulaire de la compétence. La qualification, c'était les grilles. La compétence, c'est le répertoire individuel de mise en œuvre de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, comme on a dit, qui en quelque sorte engendre des plages de variabilité plus importantes. Et le talent, c'est le troisième étage, c'est celui qui se place en surplomb pour désigner des possibilités ou des métacompétences, comme je vais le dire. La notion de talent est en effet directement associée à cette sémantique de capacité et de potentiel, ou plus souvent aujourd'hui, de haut potentiel, puisque l'usage de la notion est ciblé beaucoup sur la partie supérieure de la hiérarchie des emplois dans les organisations, ce qui fait qu'une part importante des ressources de formation interne au développement ou à l'expression de ce fameux potentiel, qui est supposé être la marque de chacun, une part importante des ressources est concentrée sur la partie du personnel dont on suppose que la contribution au succès ou à la productivité de la firme est la plus décisive, et notamment dans les secteurs qui évoluent dans une compétition internationale très intense. On voit ainsi que le talent sert à désigner une métacompétence ou un dispositif métacognitif qui sollicite les dimensions clés de la réflexivité, de l'autocontrôle, de l'apprentissage et de la force motivationnelle. Autrement dit, la capacité à donner du sens à ce que l'on fait et d'en retirer de la motivation. C'est une boucle, un loop. Le talent doit désigner ainsi l'individu autonome et qualifié, et de préférence créatif, dont on attend qu'il sache extraire de chaque situation la teneur d'apprentissage qui le fait évoluer, notamment quand le travail est faiblement routinier, variable et donc formateur. Ceci indique aussi un déplacement profond du séquencement des biographies professionnelles. Les organisations proposent et requièrent une imbrication croissante des séquences et des valeurs de formation et de travail. Et elles le font aussi avec une intensité sélective. Le travail et l'enchaînement des séquences d'une carrière professionnelle en organisation sont conçus selon le principe d'un couplage compétences, efforts, aptitudes, développement, à la fois pour justifier l'évaluation individualisée des personnes et pour incorporer le principe que le travail n'est soutenable individuellement et compétitif du point de vue de l'entreprise que s'il procure précisément un horizon de développement aux individus, un horizon d'augmentation de leur capital humain. Une conséquence controversée d'une telle imbrication des dimensions de formation et de travail est qu'on renforce, en faisant quasiment une variable instrumentale, l'argument méritocratique, dont l'usage est très banal dans le monde de la formation scolaire, mais qui se trouve étendu au monde des organisations et des entreprises, alors même que le schéma des carrières internes par mobilité ascendante, qui pourrait être un des leviers de cet argument méritocratique ou de la méritocratie comme une illusion nécessaire, ce schéma des carrières internes a perdu une part significative de son emprise. Et la préférence déclarée dans les enquêtes actuelles auprès des jeunes en activité ou en voie de professionnalisation pour une situation d'autonomie ou d'activité indépendante, d'entrepreneur, de start-upper, d'auto-entrepreneur, etc., plutôt que pour une position salariée, est une manifestation possible de ce que je peux nommer les habits neufs de la méritocratie, devenus en quelque sorte filles de l'individualisme et du risque, mais d'un risque auquel il faut inventer des solutions viables de socialisation si le comportement se diffuse largement. Les sociétés, on le sait, doivent réinventer périodiquement cet argument méritocratique qui joue le rôle de cette illusion nécessaire dont je parlais, et les sociétés doivent tenter de le relégitimer, notamment quand on fait face à de grandes inégalités de chances et de grandes inégalités de résultats. Résultat, je veux dire employabilité, qualité du travail exercé, niveau de rémunération. Le thème de la polarisation des emplois n'est qu'une des illustrations de ces effets. Le talent, je pense le montrer tout au long du cours, est un désignateur de la différenciation et de la hiérarchisation des individus dans ce que Rosan Vallon a appelé, mon collègue ici au collège, a appelé un régime d'individualisation singularisante. Dans l'argument méritocratique, l'imputation du talent est organisée autour de deux principes. Un, il existe des différences d'aptitude qui sont ou paraissent constituées très tôt dans la biographie des individus et dont une partie est hors de portée d'une égalisation compensatrice des chances. Le problème est alors de déterminer quelles transformations sont requises pour rendre moins illusoire la fiction régulatrice de la méritocratie et quel prix est à payer individuellement pour obtenir le bénéfice collectif de la variété des aptitudes individuelles. La question restant encore posée de savoir ce qu'est cette différence non compensable. Et c'est cette fameuse boîte noire que j'explorerai plus tard. En tout cas, on a appris à travers toutes ces recherches sur les différences individuelles, évidemment, à se poser cette question. Autrement dit, reculer un peu plus loin, en amont des résultats, la recherche des complexités responsables et génératrices de ces différences. L'autre argument, c'est les capacités, les fameuses capacités, sont complémentaires de l'engagement d'un niveau d'effort qui est requis pour les développer et qui n'est pas une simple disposition psychologique. Sans cette disposition à l'effort, qui est plus que psychologique, l'individu ne peut pas s'assurer de quelle capacité il est détenteur. Souvenez-vous que la formule de Michael Young, l'inventeur du terme méritocratie, c'est « mérite égale IQ plus effort », IQ étant un équivalent supposé mesurable de ce qu'on peut appeler l'index de différenciation hiérarchique, aussi appelé talent dans une conception possible du talent. Appliqué au monde des organisations, l'argument méritocratique multiplie en fait les variables génératrices de différenciation des trajectoires individuelles de carrière et sollicite de ce fait, de manière encore plus aiguë que d'habitude, je crois, ce questionnement de principe qui fait partie de la grande question que se posent les philosophes de la justice sociale et les sociologues ou les économistes qui s'intéressent à la justice sociale et qui explorent l'argument méritocratique. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'individu, autrement dit de sa responsabilité, et qu'est-ce qui est hors du contrôle de l'individu dans la production, par exemple, de la performance attendue dans une organisation, et qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'organisation? Comme les variables de différenciation individuelle sont multipliées, les carrières deviennent une fonction plus complexe de facteurs individuels et organisationnels. Et je montrerai comment le recours à la sémantique du talent peut être tout à la fois un moyen d'ouvrir la boîte noire du management et un moyen d'amplifier les effets de la dynamique d'individualisation. Thank you. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minger pour sa série « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». L'usage de la notion de talent, notamment en raison de son emploi de longue date dans les activités de création, est quasi invariablement associé à la créativité et à l'originalité. La créativité nous entraîne sur le versant du comportement non subordonné, celui de la libre association des idées, de l'autonomie de l'action, de l'originalité, autrement dit un levier de différenciation horizontale et pas verticale, d'un plus faible degré de contrainte dans les situations de travail et de la fameuse motivation intrinsèque, mais aussi du coefficient d'incertitude et d'imprévisibilité dans le déroulement du processus de travail ou dans le déroulement d'un processus de recherche de solutions à une question donnée pour la résolution de laquelle il faut faire preuve de créativité et d'inventivité. Or, dans la conception habituelle du travail, l'effort qui est requis d'un travailleur qualifie une toute autre économie du travail. C'est l'accumulation, c'est la prévisibilité, c'est la régularité. En quelque sorte, c'est une morale ordinaire de l'engagement et de l'acceptation d'un niveau tolérable de contraintes. Or, ces deux facteurs de créativité et d'effort sont pourtant liés par un lien conditionnel. Sans intensité élevée d'effort, il n'y a aucune chance de réussir dans des activités à forte intensité créative. Mais la liaison n'est que conditionnelle, car l'effort ne garantit nullement la réussite, et un individu hautement créatif, du moins d'après des mesures qu'on peut espérer en faire, n'a aucune chance de réussir s'il n'a pas injecté dans son activité la dose d'effort suffisante. Simplement, l'effort est obtenu dans des conditions différentes d'un effort dans un travail contraint et routinier. Alors, comment comprendre ce lien entre l'effort et la créativité ? Dans le premier cours que j'avais donné, consacré à la valeur du travail, j'avais établi un résultat, c'est que le rendement de l'effort augmente avec la compétence qui est développée dans une activité. Je vous donne ici une citation de Daniel Kahneman, un psychologue qui est aussi économiste et qui a même eu le prix Nobel d'économie, et qui a écrit un livre fort intéressant, « Thinking Fast and Slow », qui est devenu un best-seller, et la citation dit la chose suivante. Les études sur le cerveau montrent que le pattern d'activité associé à une action se modifie à mesure que la compétence augmente, parce qu'un nombre plus petit de zones du cerveau sont impliquées. Et, ajoute-t-il, le talent a des effets similaires. Sa définition du talent, c'est l'intelligence mesurable. Highly intelligent individuals need less effort to solve the same problems. Les individus intelligents ont besoin de moins d'efforts pour résoudre les mêmes problèmes, et c'est montré par la mesure de la pupille et de l'activité cérébrale. C'est aussi la loi du moindre effort qui s'applique en quelque sorte l'exercice ou au travail, à l'effort cognitif et physique. La loi du moindre effort est simple, elle indique, et elle est générale, elle indique que s'il y a plusieurs moyens d'arriver au même but, les individus vont aller vers le cours d'action qui est le moins exigeant. Autrement dit, dans l'économie de l'action, l'effort a un coût et l'acquisition d'une compétence est littéralement poussé et driven, actionné par un équilibre entre les bénéfices et les coûts. Et comme il dit pour conclure cette citation, « Laziness is built deep into our nature », la paresse est profondément ancrée dans notre nature, la loi du moindre effort. En tout cas, tout ceci veut dire que cette question, le rendement de l'effort est plus élevé évidemment dans des conditions où on a plus de capacité. Alors j'insiste sur cette question de l'effort parce que j'ai en vue l'un des arguments favoris qui sont avancés pour relativiser ou pour contester radicalement la valeur ou l'existence même de quelque chose qui s'appelle talent. Le talent dont on veut contester l'existence dans ses travaux peut être défini comme la signature d'une différence individuelle avantageuse, soit que, dans l'analyse de cet avantage, selon ses travaux qui sont contestés, la part d'héritage génétique soit maximisée, ça c'est la version inéiste de l'argument, soit que l'analyse de la variance expliquée, dans l'analyse de la variance expliquée, la part reconnue au contexte social et culturel de l'expression de la dotation génétique confère à l'interaction des facteurs hérités et des facteurs acquis un profil évidemment complexe et dynamique, mais il reste quelque chose qui sera appelé talent. Or, toute une littérature de recherche que j'explorerai notamment l'an prochain quand j'en viendrai à la question du sport, parce que beaucoup de travaux ont été consacrés au sport, mais aussi notamment à la musique, qui est un domaine d'écart de performance assez spectaculaire et même qui dispose de formats de compétition tout à fait étonnants, comme les concours, qui sont des arènes spectaculaires pour ceux qui vont les fréquenter et qui deviennent des talent shows aujourd'hui. Toute une littérature de recherche a été développée pour mettre en avant, plutôt qu'un facteur mystérieux comme le talent, le facteur de l'intensité de la pratique, et donc de l'effort dans la pratique, comme le principal facteur responsable de la maîtrise supérieure d'un art, d'un sport, d'une discipline, d'une pratique quelconque qui demande de l'effort pour être maîtrisée, autrement dit, responsable de l'acquisition d'une expertise, comme s'appelle ce terme qui vient contrebalancer ou concurrencer le vocabulaire du talent. Cette notion d'expertise a été employée pour qualifier un niveau supérieur de performance entièrement fondé sur l'intensité d'effort. C'est ce qu'on appelle la loi des 10 000 heures. Si vous avez consacré 10 000 heures à pratiquer quelque chose qui est exigeant, vous y arriverez, quoi qu'il arrive. Et c'est par exemple, je simplifie beaucoup, mais c'est l'esprit de l'argument qui est manié notamment par un chercheur qui a construit sa réputation sur cette idée, qui s'appelle Erikson. Dans l'analyse de la performance ou de la réussite, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou extra-professionnelle, je crois qu'il n'y a pas de vision plus naïve et plus désarmante, à tous les sens du mot, parce qu'elle désarme les individus en croyant les armer, qu'une conception monofactorielle. Une conception expressiviste ou en quelque sorte émanatiste qui accorderait au talent inné, au don génétiquement déterminé, une importance massive ou exclusive, ça c'est l'ontologie du déploiement de qualités innées. Cette conception est aussi réductrice qu'une conception entièrement orientée vers l'importance massive de l'inculcation et de l'effort comme levier de différenciation, autrement dit, une conception qui va vers la pure compression quantitative des différences de qualité. Un peu à la manière dont autrefois on croyait penser que tout travail complexe n'est qu'un multiple du travail simple. Alors, transposer au monde des entreprises et des organisations hors des arts et des industries créatives, la notion de créativité est reliée à celle d'innovation et aux traits comportementaux qui sont requis par le, comme on l'appelle maintenant, le mindset, l'état d'esprit correspondant, et qui comporte, c'est un set, donc c'est un ensemble de traits, qui comporte ces traits suivants: individualisation, autonomie, prise de risque, risque élevé d'échec, capacité de résilience. C'est l'idée que, par exemple, un entrepreneur est toujours un serial entrepreneur qui procède par essais, erreurs, échecs et nouvelles tentatives, incertitude et chance. Voilà les traits. Et ceci est utilisé comme un vecteur unifiant, un vecteur d'une conception unifiante des qualités du travail, par-delà les frontières entre salariat et indépendance. Et il suffit effectivement de penser à la qualification des facteurs de succès de l'entrepreneur ou de l'entrepreneur innovateur par un ensemble de principes, inventivité, force de conviction pour persuader des financeurs, capacité d'entraînement pour solliciter des qualités analogues dans l'équipe qui est embarquée, surestimation fonctionnelle de ses chances de succès, capacité de résilience, je l'ai dit, utilisation exploratrice de l'incertitude pour inventer du nouveau et exploitation de la réduction d'incertitude pour rendre profitable une solution qu'on a entrevue. Il suffit ensuite de projeter cette somme de traits et de dispositions dans un espace concurrentiel avec ses hiérarchies de réussite et ses taux d'échec pour imputer la réussite à cette combinaison de qualités dont l'énumération est aisée à réaliser mais dont le dosage est très difficile à déterminer et dont la mesure directe du fameux dosage est introuvable. Si je pouvais doser exactement ces combinaisons, je disposerais, comme je le redirai plusieurs fois, la formule de la réussite et je pourrais l'appliquer de manière algorithmique. L'émergence et le succès de la notion de talent et de celle de talent management dans les organisations sont profondément une signature de la globalisation des marchés du travail qualifiés et très qualifiés. Sous la triple influence de l'élévation du niveau de formation secondaire et supérieure de la main-d'œuvre de pays de taille démographique considérable, notamment le continent indien et le sud-est asiatique, qui sont exportateurs nets de talents, sous l'effet de la transformation des entreprises et de leur extension mondiale, et sous l'effet de facteurs de mobilité de la main-d'œuvre. Ces facteurs, c'est les coûts de mobilité physique, la facilitation des services dématérialisés et désancrés géographiquement, l'équipement des individus et des organisations en outils d'information et de recherche d'information et en outils de technologie de comparaison évaluative entre les différentes cibles de leur recherche, quand ils cherchent un emploi ou une université pour se former, et enfin l'usage dominant d'une lingua franca, qui est, autrement dit, une langue véhiculaire, qui est essentiellement l'anglais, ou qu'on appelle aussi le globish, dans une version très dégradée. On verra que la version très dégradée pose des problèmes, je vous montrerai ça un peu plus tard, pour tirer parti de sa migration de talents qualifiés. Je crois que l'emploi, et je soutiens ici, que l'emploi du vocabulaire du talent fait partie de l'activation de technologies de hiérarchisation mondialisée et de mobilité sélective des travailleurs et des étudiants. Je l'ai dit, le cadre national habituel de la mesure de la qualité des personnes à l'aide du couple métier-niveau de diplôme ne convient pas à des situations de mobilité mondiale et à un encastrement des emplois, notamment des emplois très qualifiés, dans un marché international. Le cadre national est celui sur lequel avaient été construits les dispositifs de formation et de mise en équivalence d'un type et d'un niveau de formation et d'une hiérarchie d'emploi. Or, les systèmes de formation diffèrent malgré l'existence de standards dominants de hiérarchisation des niveaux de diplôme, type LMD, College Graduation, PhD, etc. Mais ils diffèrent, et les technologies diffèrent. Par ailleurs, le niveau de diplôme renseigne inégalement sur la valeur potentielle ou avérée des individus dans les métiers supérieurs. Alors, pour comprendre pourquoi ce vocabulaire du talent se substitue à un vocabulaire de simple indexation de la valeur des individus sur leur niveau de formation initiale, examinons ce qui peut se passer pour une rare définition opérationnelle identifiable du talent. On n'en a pas beaucoup, mais on en a. C'est la définition juridique et administrative qui organise la sélectivité migratoire. Je vais prendre deux exemples. Un exemple français qui s'appelle d'abord, le visa s'appelait compétences et talents. Il a été créé en 2006. Je vais vous en donner les critères d'éligibilité tout de suite. Et je vais regarder ensuite, ça a été un échec, vous comprendrez assez vite pourquoi. et a été mis en place pour succéder à ce premier visa un passeport talent qui a été créé en 2016. Et puis je prendrai ensuite un autre exemple qui est un exemple américain d'un visa qui est très connu, qui s'appelle le visa H1B. Ça n'est pas un virus, mais un visa. Et il a donné lieu à un certain nombre de travaux très précis parce que, d'abord, le nombre de personnes concernées est très supérieur à ce qui concernait le cas français, vous verrez, et ça permet évidemment de faire des recherches beaucoup plus développées. Et deuxièmement, le dispositif est beaucoup plus stable, il existe depuis plus longtemps, et donc on a un recul pour faire des analyses précises. Mais il a à peu près la même cible, vous allez vous en rendre compte. Alors, d'abord, cette fameuse carte compétences et talents, voilà, j'ai rassemblé un certain nombre de précisions sur ce que c'est que cette définition juridique et administrative du talent. Et voilà le texte qu'on trouve quand on a la motivation de cette innovation. La Commission nationale des compétences et des talents détermine annuellement les critères pour l'application des conditions d'attribution de la carte de séjour compétences et talents qui peut être accordée pour une durée de 3 ans renouvelable à l'étranger susceptible de participer du fait de ses compétences et de ses talents de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et directement ou indirectement du pays dont il a la nationalité. Ça, c'est le fameux problème. Est-ce que c'est un visa qui est prédateur? On prend les meilleurs et on en tire le meilleur parti dans le pays d'accueil et le pays qui les a laissés partir s'en trouvera plus mal. Je reviendrai sur ces questions plus tard. Alors, il y a toutes sortes de documents qui existent sur l'utilisation de cette carte de séjour. Il y a même eu une production d'un guide, un mode d'emploi, évidemment en anglais, c'est plus simple parce que ça ouvre plus large le périmètre de recrutement. En gros, c'était pour spécifier les critères. Alors, ils sont toujours de deux ordres. C'est d'une part s'assurer du niveau de formation des gens, c'est un socle, et deuxièmement, ensuite définir les différents types de qualités professionnelles qu'on recherche. Ça peut être des indépendants, des artistes, des auteurs, des athlètes. Ça peut être des professionnels, comme on les appelle, qualifiés avec de l'expérience, des investisseurs, des exécutifs, des cadres supérieurs et des managers. Mais on va exclure, et là on entre dans le détail des critères et des motifs d'inclusion et d'exclusion, on exclura par exemple des artistes ou des athlètes qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou dont le niveau de formation est inférieur à, etc. Donc, voilà des complexités sérieuses. Et d'autre part, on va admettre un certain nombre de candidats à des formations doctorales en énumérant toutes les spécialités. Mais il faut avoir évidemment acquis le socle de formation préalable qui qualifie pour être admis dans une école doctorale. On détaille ensuite, voyons quelles sont les modalités de candidature. Et alors, par exemple, pour les sports, il faut qu'on ait été un champion national dans son pays, etc. Enfin, il y a toute une série de dénivelés dans les restrictions, dans les spécifications qui rendent l'opération assez compliquée. Et puis dans les sports non olympiques, évidemment, puisque l'olympisme, ça a aussi une vertu de visibilité et de rendement national. Les champions nationaux, ça n'est pas un vain mot appliqué au sport, et ça a évidemment un effet considérable. Alors, on a fait une évaluation de ce dispositif dans une mission qui sollicitait le concours de 4 inspections générales. Ça n'est pas rien. Je crois que c'était les finances, l'administration, les affaires étrangères et l'enseignement supérieur, la recherche. Ils s'y sont mis à 4 pour évaluer la valeur des différentes filières de migration des gens qualifiés. On s'est rendu compte que, à force de faire des spécifications dans tous les sens restrictives, on allait dans le mur et donc on a changé de dispositif. Et en 2011, le score ici est assez très médiocre. Donc, le rapport préconisait de simplifier ces procédures. Et le rapport définissait lui-même aussi ce qu'il appelait des publics attractivité. Donc, c'est un vocabulaire intéressant parce que ça désigne quand même un problème qui est au cœur de ce que je veux dire ici, c'est que le talent est une currency, en quelque sorte un actif ou une valeur qu'on se dispute au plan international. Et donc, il faut savoir se rendre attractif plutôt par une sélectivité offensive que défensive. La carte compétences et talents était une forme de sélectivité très défensive. Bon, dans l'esprit d'une sorte de combinaison entre un atavisme et des réflexes administratifs. Dans le même rapport, donc, on définit des publics d'attractivité. Quelles sont les cibles de ce talent traffic d'une autre espèce? Eh bien, les publics étudiants d'un diplôme d'études supérieures, les scientifiques, les professions artistiques et culturelles, les sportifs de haut niveau, c'est toujours les mêmes ensembles, les salariés hautement qualifiés, les investisseurs, mais on fixe des critères, et les porteurs de projets spécifiques contribuant au rayonnement international de la France ou du pays d'origine. Et on a créé donc le fameux passeport talent en 2016, qui est un peu le résultat de ce travail, de cette mission. Donc, espérons qu'ils n'ont pas travaillé pour rien en créant ce passeport talent ou en contribuant à le faire créer. Mais les décrets ne sont pas encore pris. Mais cela dit, la carte désigne les 10 catégories qui correspondent, dit le texte de loi, aux réalités économiques actuelles. Donc, vous pouvez trouver là une forme de définition du talent. Si on est sociologue de base, on dit le social, quelque chose, c'est ce que la société décide que c'est. Et on ne va pas plus loin, c'est une construction. Et on va regarder quelle est cette construction. Eh bien, la voilà, on la détient, elle nomme et elle fait la liste qui est la même que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais donc il y a une sorte de stabilité claire de définition du talent par 3 caractéristiques, formation initiale supérieure, spécialité professionnelle ou sectorielle, et on retrouve ce que j'appelais le triptyque saint-simonien qui figure invariablement dans la définition du talent, artiste, savant et entrepreneur, et ou investisseur, mais enfin on en est proche, et enfin la renommée, qui est un critère qui peut se cumuler ou se substituer, dans certaines conditions, aux deux autres. Donc, on a 2 indices de hiérarchie, études et renommée, et un indice indirect de hiérarchie qui est les métiers qui sont éligibles et les secteurs qui sont jugés stratégiques. Nous retrouverons ces qualifications du talent dans l'analyse du talent management, de son émergence et de ses hésitations définitoires. Alors, maintenant, j'en viens à l'autre cas, qui est le cas américain. Le cas américain, donc, de ce visa H1B, toute la liste des professions qui sont concernées par ce visa. Il y en a 3 pages, donc je ne vais pas les commenter dans le détail, mais ce cas autorise des analyses plus approfondies car les flux d'immigration ciblés sur les talents sont beaucoup plus importants et que le dispositif est stable depuis longtemps et que les données qui correspondent à ce visa ont été bien analysées dans toute une série de travaux récents. Alors, ce visa H1B correspond à une autorisation de séjour pour 3 ans renouvelables une fois, avec toutes sortes d'exceptions possibles, mais bien spécifiées aussi, et il concerne des spécialités professionnelles, des specialty occupations, qui requièrent la mise en œuvre théorique et pratique d'un savoir hautement spécialisé qui a été acquis au terme d'une formation supérieure équivalente ou supérieure au bachelor et qui relève d'une série de domaines. En gros, c'est ingénierie, architecture, mathématiques et physique, télécommunications et informatique, sciences de la vie, médecine, éducation, management, droit, comptabilité, clergé aussi, art ou encore le mannequinat dans l'industrie de la mode, mais précise le visa pourvu que les mannequins soient d'un mérite et d'une aptitude éminents. Je vous laisse méditer sur le mérite et l'aptitude éminent. Je pense que le capital esthétique doit faire partie du mérite et de l'aptitude éminent. En fait, c'est un vocabulaire de simple hiérarchisation. Le nombre de nouveaux visas ainsi attribués était en 2014 d'environ 162 000. Évidemment, c'est un peu plus concurrentiel que 300, même rapporté à la taille du pays. Alors, l'association entre... Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais je vais poursuivre l'analyse. L'association entre un niveau de qualification et un ensemble de professions et de secteurs d'activité permet de parler indifféremment de talents ou de « high-skilled workers ». Vous voyez que dans l'exposé que je fais varier la définition du talent selon le principe que j'ai indiqué, c'est-à-dire de l'indexer sur des usages et des contextes. Je n'ai pas une définition ultime, substantielle en vue, du moins pas de la manière dont on peut l'imaginer. Je fais varier l'expression, non pas pour brouiller les pistes, mais pour en quelque sorte documenter le sujet et en quelque sorte lire les transformations du monde du travail, mais aussi les transformations de la qualification des individus et de leur qualité à travers cette grille d'analyse. Et donc, elle doit avoir ces propriétés de plasticité qui sont exactement celles qui correspondent à l'usage fonctionnel du vocabulaire du talent. Ce sont des notions dont la sémantique a beaucoup de plasticité. Alors, je disais, on peut parler en associant profession et secteur, indifféremment de high-skilled workers ou de talents, comme le fait, par exemple, un article récent et très intéressant, d'ailleurs très bien fait, de quatre auteurs, Kerr, Osden et Parsons, un article qui s'appelle « The Global Talent Flows », donc c'est les flux de talents à l'échelle globale, paru en 2016. Donc, on peut utiliser indifféremment l'un ou l'autre terme, mais la sélectivité des programmes d'immigration temporaire contrôlés et ciblés, les qualités attendues des candidats à l'immigration et leur contribution à l'économie du pays doivent rendre évidemment cette immigration de haut niveau de qualification complémentaire plutôt que substitutive de la main-d'œuvre très qualifiée locale. C'est un des problèmes évidemment clés de l'appréciation des mouvements migratoires, afin de pouvoir être justifié comme une régulation à somme positive de l'économie des personnes et des mobilités, plutôt que comme une concurrence déloyale appliquée à un segment de la main-d'œuvre qui est généralement très peu exposé à ce qu'on appelle un risque de dumping social. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 27 janvier 2017 le cours de Pierre-Michel Menger, « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Menger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent en compagnie de Pierre-Michel Menger. Nous interrogerons les « migrant talent », comme on dit en anglais. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.